Bonjour à tous ceux qui se sont assis à côté de moi à la table. On est nombreux, divisés en quatre groupes qui vont traiter de quatre projets de communs différents. Je ne vais pas les reciter après Christian. Vu le nombre, vous allez avoir chacun 10 minutes. Et si on veut avoir des discussions, il faut être un peu court. Mais bon, on peut rajouter beaucoup d'informations en répondant aux questions par la suite. Voilà, donc je vais laisser la parole d'abord à Pascal David, qui est à mon côté, physicien et maître de conférence à Paris Diderot, donc qui va nous parler du Prescommu Sorbonne Paris Cité. Merci. Donc je vais vous parler du Prescommu, puisque les statuts ne sont pas encore arrêtés. Hein. On parle toujours de commu, mais on est bien d'accord que nous sommes dans un statut transitoire entre le Presse et ce qu'il y aura après, l'association. Quand on est optimiste... la commune quand on est pessimiste. Donc SPC, Sorbonne Paris Cité. Alors je pense que c'est une structure qui est assez emblématique et qui illustre très bien le processus, puisque c'est une structure qui a été construite par des gens du groupe Bloc, à savoir Berger, Kahn, Salzmann, des gens comme Descoings, etc. Donc on a vraiment affaire à une structure très Marc Bloc dans ce cas-là. Alors SPC, c'est Paris 3, Paris 5, Paris 7, Paris 13 pour les universités et quatre grands établissements, l'Institut de physique du globe, l'INALCO, Sciences Po et EHESP, donc ce qui forme le bloc de 8 établissements. J'ai entendu les chiffres pour Strasbourg, les chiffres du nombre d'étudiants pour Strasbourg, Bordeaux et je rigole. SPC, c'est 120 000 étudiants. Là, on joue dans la cour des grands. 120 000 étudiants, 14 000 personnels, donc c'est du sérieux. Le budget, 1,3 milliard, 1,4 milliard. Ce n'est pas encore clair, cette histoire-là. À la tête de SPC, évidemment, c'est Mérindol, puisque Mérindol a été remplacé par Berger, qui était président de Paris 7. Donc c'est très endogame, le système. Hein. Donc Berger prend la place de Mérindol, qui prend la place de la présidence de SPC. Donc un monstre, un énorme monstre, en fait, en Île-de-France. Un monstre parmi les 8 monstres d'Île-de-France qui ont été évoqués. Et je voudrais, juste parce que j'ai le texte sous les yeux, vous lire juste le petit communiqué qui est sorti le 11 avril, donc signé Mérindol, puisque Mérindol, c'est le Rasputin, en fait, de tout ça, finalement. Hein. Et donc, il y a 8 points. Alors, il y a 8 presses, donc 8 points, selon la logique. Et je vous donne simplement le premier point sur l'idée qu'il y a entre les presses parisiens, enfin, d'Île-de-France. La relation entre communautés est fondée sur une coopération et l'émulation, en aucun cas sur la rivalité, la concurrence, et a fortiori l'hostilité ou l'agression. C'est très important, parce que ça veut dire qu'ils ont pensé qu'on pouvait penser, ou qu'ils pensent. Enfin, il y a quelque chose là, c'est eux qui ont écrit ça. C'est en particulier vrai pour nos communautés chargées de la mise en œuvre d'un IDEX. Alors, en fait, ça, c'est important. Parce qu'il y a le mot IDEX. Et le mot IDEX, en fait, c'est quelque chose de très récurrent dans la constitution et dans la formation de ces superstructures. Alors, comment ça marche? Nous, à SPC, on a la version 1 des statuts. Donc, on est très avancé. La version 1, et puis je me suis amusé à comparer la version 1 des statuts avec une. Donc, qui date là de fin mars. Avec la version de règlement intérieur de SPC, c'était bien avant les communs, donc qui date de 2010. Eh bien, c'est rigoureusement la même chose. C'est-à-dire que, en fait, presse et communs sont quasiment des calques. Alors, il y a des petites différences, j'y reviendrai, mais on ne comprend, en fait, la structure, en tout cas de ce presse-là, qu'à travers la formation du presse SPC en 2010. Et pour bien avoir les choses en tête, le presse, en fait, se constitue autour de l'IDEX. Et donc la lecture que l'on doit faire aujourd'hui, c'est une lecture autour de l'IDEX. Alors ça nous ramène encore en arrière, je suis désolé, mais je vais revenir en arrière. Et il y a deux textes pour SPC qui sont très très importants pour l'IDEX. Il y a la fameuse note delta. Alors vous savez que tout doit être codé, et donc la note delta, c'est un vrai delta grec, hein, c'est une note qui précise très clairement ce que doit être le press, donc ce que sera la commu. Et dans cette note, est adjointe à cette note delta, un document qui est très intéressant, qui est trajectoire, jalon, indicateur et cible. Donc, voilà. Et donc, je vais illustrer ce que sera SPC à terme. Alors, il y a des tas de tableaux, hein, je ne vais pas tout vous lire, ça serait pénible. Je vous donne simplement quelques chiffres. Aujourd'hui, dans SPC, il y a 30% de formations redondantes. Par exemple, moi, je suis physicien à Paris 7. Il y a des physiciens à Paris 13, c'est donc redondant. À l'échelle de 4 ans, il doit y en avoir aucune. C'est très clair dans cible. Aucune formation redondante. Alors, c'est vrai aussi dans le domaine de la santé, des sciences du vivant. Donc, l'objet, c'est très rapidement de supprimer tout ce qui peut être redondant. Comme l'a dit Bruno, il pourrait y avoir une certaine logique à cela. S'il y a un M2 qui se crée là et puis un M2 500 mètres plus loin, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais entre Paris 13, donc ville tanneuse, et Paris 7, l'idée de redondance ne me semble pas évidente. Et pourtant, c'est bien cela. Un autre point, par exemple, qui est un objectif, c'est les scientifiques dans le péridex. Alors, le péridex, c'est le périmètre d'excellence qui comprend en partie des labex, des équipex, mais pas entièrement tout. C'est un peu technique, mais on s'y fait. Donc, les scientifiques dans le péridex, aujourd'hui, il y en a, c'est assez minable, 43%. Et à l'échelle de 4 ans, il doit y en avoir 60%, et à l'échelle de 10 ans, 75%. Alors, on pourrait se dire, c'est super, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on se débrouille pour que tous les chercheurs, enseignants-chercheurs, appartiennent à des labex contenus dans le péridex. En fait, ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas si simple que ça parce que là, je reviens sur les statuts. Sur les statuts, comme précédemment on l'a dit, la commu est capable de foutre en l'air entièrement des laboratoires, des UMR, des départements. Et donc, une solution pour qu'il n'y ait pas que 43% des scientifiques dans le péridex, eh ben, c'est de supprimer simplement des laboratoires, des UMR. C'est très, très simple. C'est évident, en fait. Et donc, ce qui se dessine à l'échelle de ce monstre SPC, c'est un recentrage de beaucoup d'activités. Alors, quelles activités? On peut regarder la composition d'SPC. SPC, c'est la médecine, ouf, un petit peu de sciences humaines, un petit peu de sciences inhumaines, je ne sais pas comment les qualifier autrement, et puis des sciences du vivant. Donc autrement dit, la médecine est écrasante. D'ailleurs, il n'y a aucun doute, Salzmann, médecin, Clérici, médecin, et à Paris 5, je ne me rappelle plus de son nom, mais c'est un médecin. Ouais, forcément. Non, ce n'est pas un médecin. Biologiste, bon, ça n'a rien à voir. C'est vrai, la biologie est à la médecine, ce que la technique est à la physique, je suis d'accord. Donc en fait, on s'attend au sein d'SPC à une dominance très forte de la médecine, très très forte. Alors pour ne pas prendre trop de temps, je vais vous expliquer ce qui s'est passé à Paris 7, puisque Berger est passé à l'Élysée, et donc on a une vacance de présidence. Donc, vacances de présidence. Avant de partir, Berger a signé un mot avec les autres présidents de SPC en disant qu'il fallait obligatoirement fusionner. D'ailleurs, ça fait partie du document qui s'appelle Note du Conseil des membres Sorbonne-Paris-Cité à l'attention de l'AERES. Il est marqué explicitement dans une démarche de fusion ayant pour objectif de déboucher le 1er janvier 2016 sur la création d'une université unique, multicampus. C'est très clair. Donc l'objectif, c'était la fusion. Berger a signé une déclaration de fusion. Et il est parti. Et donc, à Paris 7, nous sommes restés un certain temps avec une présidence par intérim. Donc, c'était la vice-présidente du CA, Claire Issy, qui se chargeait de la présidence. Deux listes se sont affrontées à Paris 7, mais avant cela, il s'était passé un événement très important. C'est qu'on avait demandé, suite à différents couacs, à ce qu'il y ait un référendum à l'échelle de l'université sur ce que souhaitaient les gens entre fusion, fédération, confédération. C'est le CA qui avait lui-même nommé la personne qui devait coordonner tout cela, un ancien président de l'université, et donc qui a donné lieu à un livre blanc. Et ce livre blanc disait clairement que les gens n'étaient pas favorables à la fusion et qu'ils étaient plutôt tentés par une structure beaucoup plus souple qui était la confédération. Évidemment, ces travaux-là n'ont servi qu'à caler un meuble. Ils n'ont jamais servi à autre chose. Le CA ne s'est même pas prononcé dessus. Pourtant, c'est lui qui l'avait commandé. Donc, il y a eu des élections à Paris 7. Deux listes se sont affrontées. Et comme Paris 7 est constitué de 50% de médecins, eh bien, la liste qui a gagné, ce sont les médecins, Claire Issy, donc, qui est pour une fédération, évidemment une fédération démocratique, qui n'est pas du tout pour la fusion, hein. Elle sait vendre sa soupe. De toute façon, les médecins votent quand même tous ensemble. Enfin, il suffit que le doyen donne l'ordre de vote et tout le monde vote. Donc, les médecins l'ont emporté. Donc, à Paris 7, nous avons maintenant une présidence pro-commu. Alors, nous ne désespérons pas néanmoins de pouvoir parvenir à nos fins quand même, parce que nous sommes assez actifs à Paris 7. On verra comment les choses évoluent. Nous défendons une idée au niveau d'Île-de-France, c'est-à-dire vraiment une structure confédérale, mais à l'échelle d'Île-de-France, la région étant très simple, dans le domaine des sciences pures, il est tout à fait aberrant de couper Paris 11, c'est-à-dire Orsay, de Paris 6, l'université Pierre et Marie Curie, de Paris 7. C'est un non-sens. Nous travaillons ensemble depuis, 20 ans, 30 ans, en fait. Et là, on est en train de faire des blocs, mais ces blocs, je vous le rappelle quand même, ne doivent pas être agressifs, selon les responsables des communes.